Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le lundi 23 avril et nous souhaitons une bonne fête au Georges. Ça vient du grec signifiant labourer le sol. Georges est secret, réservé, introverti, observateur et possède une nature assez méfiante et prudente. Cela peut aisément passer pour de la froideur, de la fierté ou un certain sentiment de supériorité alors qu'il s'agit en réalité de pudeur et de timidité. Son flegme apparent dissimulant une réelle nervosité. Patient, lent, il est pourvu d'une détermination à toute épreuve et lorsqu'un but lui tient à cœur, il peut se montrer obstiné et opiniâtre. Ennemi du superficiel, il ne donne pas son amitié à n'importe qui, mais lorsqu'il s'engage et donne sa confiance, il perd son côté ours et se révèle agréable, fidèle. Ses qualités morales apparaissent au grand jour. Dicton du jour, et c'est aujourd'hui le début de la période des 5 cavaliers, d'où les nombreux dictons météorologiques qui leur sont associés. Aujourd'hui, on peut retrouver le dicton à la Saint-Georges, quitte tes avoines et sème ton orge. Ou encore, pluie de Saint-Georges coupe aux cerises de la gorge. Quand il pleut à la Saint-Georges, sur 100 cerises, il en reste 14. Si Saint-Georges n'est pas là, pas une hirondelle du ciel ne viendra. Quand il pleut à la Saint-Georges, il n'y a ni prune ni orge. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, commémorant le jour où décédèrent trois célèbres auteurs, Shakespeare, Garcilaso de la Vega et De Cervantes. C'est la première journée de la semaine mondiale pour la sécurité routière. En Allemagne, c'est le jour de la bière allemande à consommer bien évidemment avec modération. En Espagne, en Catalogne, c'est le jour de la Saint-Georges, patron de la Catalogne, au cours duquel on offre un livre et une rose. Et au Royaume-Uni, en Angleterre, c'est le jour de la Saint-Georges, fête nationale des Anglais. Ça s'est passé un 23 avril 1990, adhésion de la Namibie à l'ONU. Et en 2013, en France, la loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe était adoptée. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec John Miles et son titre « Musique ». Music was my first love, and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of the past. John Miles sur RGM, presque 8h39, on parle maintenant anniversaire avec tous ceux qui sont nés un 23 avril 1939, naissance de Lee Majors, acteur américain vu dans la série télé L'homme qui valait 3 milliards dans le rôle du colonel Steve Austin ou encore L'homme qui tombe à pic dans le rôle de Colt Sivers. 1941, naissance de Jacqueline Boyer, chanteuse française, connue pour son titre Tom Pilibi, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Tom Pilibi a deux châteaux, le premier en Écosse. Tom Pilibi a deux châteaux, l'autre en Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des corons et les plus beaux joyaux. Voilà pour l'extrait donc de Tom Pilibi interprété par Jacqueline Boyer. 1944, naissance de Jean-François Stévenin, acteur français vu dans Tenue de soirée, Le Bossu, Mishka, Les Beaux Jours, Fou d'amour, à la télé dans Frères d'âme ou encore quelques épisodes de Falco. 1947, naissance de Blair Brown, actrice américaine vue dans Smallville, New York Unité Spéciale, Fringe dans le rôle de Nina Sharp ou encore Orange is the New Black dans le rôle de Judy King. C'est également l'année de naissance de Michel Leb, humoriste acteur français vu dans Chacun sa vie de Claude Lelouch dans le rôle de François Pinata ou encore la série télé Fred et son orchestre dans le rôle de Fred Marsac. 1949, naissance de John Miles, chanteur et musicien britannique. 1960, naissance de Craig Schaeffer, acteur américain vu dans Et au milieu coule une rivière, la série télé Les Frères Scott dans le rôle de Keith Scott, vu également dans Psych Enquêteur malgré lui, Esprit criminel ou encore Mentaliste. 1963, naissance de Paul Belmondo, coureur automobile français et un fils de Jean-Paul Belmondo. 1967, naissance de Mélina et Kana Karades, actrice américaine, vue au cinéma dans Percy Jackson, le voleur de foudre et Percy Jackson, la mère des monstres, dans le rôle d'Athéna, dans la série télé Providence, dans le rôle du docteur Sidney Hansen, dans Les Experts Manhattan, dans le rôle du détective Stella Bonacera et apparue également dans Hawaii 5-0. 1971, naissance d'Andrew Kreisberg, scénariste et producteur télé américain ayant travaillé sur Arrow, Flash, Supergirl ou encore Legend of Tomorrow. 1974, naissance de Virginie Desarnaud, actrice française connue pour son rôle de Virginie Girard dans Premier baiser ainsi que Les années fac, vu également dans un épisode du Miracle de l'amour, vu dans Joséphine Ange Gardien ou encore RIS Police Scientifique. C'est également l'année de naissance de Barry Watson, acteur américain connu pour son rôle de Matt Camden dans la série télé 7 à la maison, vu également dans la série What About Brian dans le rôle de Brian Davis et apparu également dans Gossip Girl. 1979, naissance de Jimmy King, actrice américaine vue dans Pearl Harbor dans le rôle de l'infirmière Betty Bayer, dans FBI Fausse Blonde Infiltrée, 13 à la douzaine 2, Sin City J'ai tué pour elle dans le rôle de Coldy alias Wendy. C'est aussi l'année de naissance de Lauri Jolonen, chanteur finlandais, je vais y arriver, du groupe The Rasmus. 1984, naissance de Jesse Soffer, acteur américain vu dans la série télé As the World Turns dans le rôle de Will Manson, connu pour son rôle de détective Jay Alstead dans Chicago Police Department. Il apparaît également dans Chicago Fire, Chicago Med ou encore New York Unité Spéciale, quand toutes ces séries se croisent. 1985, naissance de Tayo Cruz, chanteur britannique. C'est également l'année de naissance de Thibaut Fauconnet, patineur de vitesse français, champion d'Europe du 500 mètres en 2007 et du 3000 mètres en 2010. Il compte également 3 médailles d'argent et 2 de bronze. Et cette année, à Pyeongchang, il a participé à ses 3e Jeux Olympiques. 1990, naissance de Dev Patel, acteur britannique, vu dans Slumdog Millionnaire dans le rôle de Jamal Malik, dans Lion dans le rôle de Saru Briarly ou encore dans la série télé Skins dans le rôle d'Anwar Karal. En 1616, décédé William Shakespeare, poète et dramaturge anglais à qui l'on doit Roméo et Juliette, Hamlet, Macbeth, Othello, Jules César ou encore Le Songe d'une nuit d'été. Décédé également Inca Garcilaso de la Vega, écrivain, historien, traducteur et chroniqueur péruvien hispanophone. Et également Miguel de Cervantes, romancier, poète et dramaturge espagnol, célèbre pour son roman L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, publié en 1605 et reconnu comme le premier roman moderne. moderne. En 1975, décédé William Hartnell, acteur anglais connu aujourd'hui comme le premier interprète du personnage du docteur dans la série télé Doctor Who. En 1986, décédé Harold Arlen, compositeur de chanson américain qui fut l'un des compositeurs les plus importants du XXe siècle et la plus célèbre, Over the Rainbow, extraite de la comédie musicale Le Magicien d'Oz, avait d'ailleurs remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1940. On écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait donc de Over the Rainbow. Et en 2005, décédé Romano Scarpa, dessinateur de bande dessinée Disney, qui fut l'un des plus célèbres dessinateurs d'histoire de l'univers de Walt Disney, autant celui de Donald Duck que celui de Mickey Mouse. Et vendredi, on a appris le décès du DJ Avicii. Il avait seulement 28 ans et on va lui rendre hommage en écoutant notamment son tube Wake Me Up. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. pour le titre Wake Me Up, donc du DJ Avicii qui nous a quittés vendredi. Hein. C'était l'un de ses nombreux tubes. On va écouter tout de suite The Rasmus avec leur titre In the Shadows. Shadows du groupe The Rasmus sur le 107FM, un peu plus de 8h52, on parle tout de suite météo. La météo. Alors, j'espère que vous avez bien profité de la journée ensoleillée d'hier, puisqu'aujourd'hui, eh bien, ce sera une journée plutôt orageuse, avec par moments des éclaircies, par d'autres, eh bien, ce sera plutôt de la pluie, hein, comme actuellement, si vous passez la tête par la fenêtre, il pleut. Et donc voilà, hein, ce sera des orages, des températures comprises entre 12 et 14 degrés ce matin, entre 17 et 19 degrés cet après-midi. Pour mardi, normalement, ce sera une journée ensoleillée, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 20 et 21 degrés prévus pour demain après-midi. Et pour mercredi, ce sera soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 20 et 21 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En football, en Ligue 1, Nantes et Rennes ont fait match nul, un but partout. Lyon s'est imposé 5-2 à Dijon. Marseille s'est imposé 5-1 face à Lille. Amiens s'est imposé 3-1 face à Strasbourg. Guingamp s'est imposé 3-1 face à Monaco. Metz et Caen fait match nul, un but partout. Toulouse s'est imposé 2-0 face à Angers. Nice s'est imposé 1-0 face à Montpellier. Saint-Étienne s'est imposé 2-1 face à Troyes. Et enfin, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Bordeaux. En Ligue 2, Nancy s'est imposé 2-1 face à Auxerre et demain, Nancy se déplacera à Le Havre. En National 2, victoire d'Épinal 3-0 face à Chasselet. Et Raon L'Étape s'est incliné 1-0 à Yzeure. Un mot de Coupe d'Angleterre avec l'équipe de Chelsea où évolue notamment Olivier Giroud. Et bien Chelsea s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Angleterre grâce notamment à un super but signé Olivier Giroud. Et Arsenal, et bien Arsène Wenger, on a appris ça ce week-end, ne sera plus le coach d'Arsenal la saison prochaine. Il dispute ainsi ses derniers matchs en tant qu'entraîneur. Un mot de rugby avec la Coupe d'Europe et le club français du Racing 92 s'est qualifié pour la finale hier après avoir battu les Irlandais de Munster 27-22. Un mot de cyclisme avec le Tour des Alpes qui a été remporté par Thibaut Pinot et hier c'était Liège-Bastogne-Liège qui a été remporté par Jungles. Le premier français c'est Romain Bardet qui s'est classé 3e juste devant Julien Alaphilippe qui s'est classé donc 4e. Un mot de hockey sur glace avec le match amical entre l'Allemagne et la France qui s'est inclinée 2-1 après prolongation. Et on va parler des Gémeaux puisque des nouveaux départs sont à signifier. Celui de Florian Sabatier qui s'en va pour Nice et le départ de Maxime Martin qui s'en va en D1 à Tours. Et d'ailleurs les Gémeaux qui devraient être fixés demain un peu plus sur leur sort. Un mot de basket en Pro B, Nancy s'est incliné à Roanne 69-63 et en National 1, le Jet Vos s'est incliné à Tarbes 74-59. On fait un point sur les playoffs NBA où les Spurs se sont imposés ce week-end et du coup ils ne sont plus menés que 3-1 face aux Golden State Warriors. L'Utah Jazz de Rudy Gobert mène à sa série 2-1 face à l'Oklahoma. Toronto et Washington de Miami sont à égalité 2-2. L'équipe de Philadelphie de Lua Okabaro mène sa série 3-1 face à Miami. Et enfin l'équipe de Boston de Yabusele était égalité face au Milwaukee 2-2. Première équipe qualifiée pour la suite de ces playoffs, c'est l'équipe de Nouvelle-Orléans. Et cette nuit, l'Utah Jazz disputera son quatrième match face à Oklahoma. Un mot de tennis en Fed Cup. La France s'est inclinée en demi-finale 2-3 face aux États-Unis. Dans l'autre demi-finale, la République tchèque s'est imposée 4-1 face à l'Allemagne. Vous l'aurez donc compris, la finale opposera les États-Unis à la République tchèque. Et au tournoi de Monte Carlo, côté double messieurs, victoire des frères Brian. Et en simple messieurs, eh bien, Rafael Nadal a remporté son 11e titre hier après-midi en battant en finale Kei Nishikori 6-3, 6-2. Au programme d'aujourd'hui, le tournoi de Barcelone avec Benoît Paire qui sera opposé à Jarry et le français Moutet affrontera Tsitsipas et à Stuttgart, Alizé Cornet sera opposé à Kostiuk. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec Tayo Cruz et son titre Break Your Heart. We'll be right back. Voilà pour le titre Break Your Heart de Tayo Cruz sur RGM. Il est presque 9h, il est temps pour nous de faire un point rapide sur ce qui vous attend aujourd'hui. Dans quelques secondes, ce sera la rediffusion de 90 minutes pour Boomerang. À midi, Lia est en vacances, mais elle nous a programmé l'émission Studio Microclimat avec Dominique Marotel. 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, Salut les 60 avec Gérard. 18h, L'heure des loups avec Lou consacré à Mille et une racines. 20h, Le calendrier de François. Minuit, la rediffusion de La bulle de l'IA. Quant à nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.